Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Présentation du WrestleMania 35 en fin de semaine. Ça aura lieu au MetLife Stadium, domicile des Giants de New York. Et pour en savoir davantage, on va rejoindre au Saguenay. Il vient tout juste de terminer son émission Midi Pile sur les ondes du 95.7 KFM. C'est notre ami Fred Gagné. Salut Fred! Salut mon ami, comment ça va? Ça va bien Fred qui est un grand passionné de lutte. Fred, avant de rentrer en onde, moi je connais rien du tout à la lutte là, mais c'est pas parce qu'on en parle pas, qu'on connaît pas ça, qu'on n'aime pas ça, qu'on n'est pas obligé d'en parler. Sauf que j'ai lu un peu puis on me disait qu'avant de rentrer en onde que c'est un WrestleMania avec un, c'est pas le plus grand des WrestleMania. Ben, ça dépend tout le temps parce que tu sais la lutte. Eh bien, c'est associé à nos souvenirs d'enfance. Ça fait que quelqu'un va dire « Ah, mais il n'y a plus Stone Cold Steve Austin. » Ben oui, il n'est plus là. « Ah, il n'y a plus The Rock. » Ah, c'est vrai, il n'est plus là. « Hulk Hogan, vas-tu être là? » Ben, pas vraiment. En tout cas, je vous en parlerai un peu. Tu sais, il y a des gars comme Undertaker qui, théoriquement, sont pas sur la carte, qu'on pense qu'il va faire une apprécie. Il y a plein de nouvelles qui arrivent tranquillement pas vite, mais ça, c'est une continuité. Pourquoi c'est historique? C'est parce que pour la toute première fois dans un WrestleMania, quand même rendu au 35e, là, ça fait un bout que ça veut dire, la finale sera féminine. Et c'est la première fois que le gala va se conclure par un combat de femmes. Dans ce cas-ci, c'est un combat qu'on peut appeler triple menace. Ronda Rousey, qu'on connaît bien de mieux en mieux, Charlotte Flair, la fille d'Eric Flair, et celle qui a peut-être créé le plus gros buzz de 2019 en matière de lutte, Becky Lynch, qu'on appelle The Man, avec une gimmick un peu, d'une certaine manière, de à la Stone Cold, mais féminine. L'Irlandaise rousse qui est, ma foi, extrêmement intéressante et explosive à voir aller. OK. Mais Ronda Rousey, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, c'est qu'elle prendrait une pause pour se concentrer pour... on dit qu'elle voudrait tomber enceinte. Est-ce que c'est vrai, cette rumeur-là? Je sais pas. Écoute, la réponse, c'est... C'est possible, parce que son chum est un ancien gars des MMA aussi, pis tout ça. C'est pas impossible. Mais présentement, Ronda Rousey, son buzz est encore foutument fort. Il y a encore moyen de builder, de construire de quoi au cours de son personnage. Tu sais, moi, si j'étais elle, évidemment, l'horloge biologique, c'est une chose, puis la volonté d'avoir des enfants, on respecte ça. Mais tu sais, dans le meilleur des mondes, je dirais, attends encore un an, Ronda, t'as encore du cash à faire, puis t'as encore des histoires de lutte intéressantes à faire présentement. Donc, si elle quitte, je vais trouver ça un peu dommage que ça se fasse maintenant. Donc, personnellement, est-ce qu'elle va gagner ce soir? Ben, si elle perd, ça sous-entendra peut-être que la rumeur est vraie. La favorite de la foule, c'est vraiment Becky Lynch qui, comme je vous le dis, l'Irlandaise rousse qui ramasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions du côté des fans. Et Charlotte Flair, ben, c'est une multi-gagnante de la ceinture, mais présentement, elle joue un peu la rôle de la vilaine, sans dire qu'elle fera la figuration parce qu'elle est quand même très talentueuse. T'sais, j'ai bien l'impression que le combat va être axé autour de Ronda Rousey et Becky Lynch, selon moi, ou du moins, ça devrait être la logique pour ce dimanche. OK. Il y a Kevin Owens qui ne sera pas là. Je disais que lui, il était blessé, je pense, puis c'est pour ça que le Québécois ne sera pas là. Lui, son problème, c'est les genoux. T'sais, c'est un gars qui est costaud, trapu, mais qui fait des gestes qui sont dignes des gars plus légers. Puis à un moment donné, ben, les genoux commencent à avoir de la misère. Ça fait que il s'est fait opérer aux deux genoux. Il est revenu, mais il est revenu récemment, puis on n'a pas trop bâti d'histoire autour. Sauf qu'en même temps, c'est un ancien champion du monde dans le WWE. Ça serait bien surprenant qu'il ne soit pas à un moment donné ou un autre acteur dans cette soirée-là. Selon moi, là, on va voir Kevin arriver dans un match. Il est toujours méchant jusqu'à preuve du contraire, donc d'après moi, il va venir aider un méchant quelque part dans une carte. Par contre, dans quelle carte, ça, je ne sais pas, dans quel combat, ça, c'est pas évident. OK. T'as aussi, il y aurait un noir aussi qui deviendrait le premier noir à devenir champion du monde, ce que j'ai su? Là, j'ai l'impression que tu parles de Kofi Kingston. Ouais. Il y a un match avec contre Daniel Bryan. Daniel Bryan, Kofi Kingston, c'est tout sauf des poids lourds. C'est des gars, des middleweight. Daniel Bryan, c'est le héros du peuple qui, à un moment donné, est devenu méchant récemment, un peu bizarre. Drôle de gimmick, d'ailleurs. Kofi Kingston, qui était cantonné un peu à une sorte pas de faire valoir, mais rarement gagné des matchs importants. Il était dans une gimmick de d'amuseur public un peu avec sa gang. Mais depuis un bout, il y a un petit buzz autour de lui, un peu comme Daniel Bryan. Les underdogs, ben là, présentement, Kofi Kingston est un peu l'underdog face à l'underdog des underdogs, c'est-à-dire Daniel Bryan. Ça, c'est un match que j'ai souligné, que j'ai hâte de voir. Dans les autres qui vont être intéressants, ben écoute, Triple H, il vieillit, il rajeunit pas. Il est toujours dans la vraie vie un des grands patrons, le bras droit de Vince McMahon, puis une fois de temps en temps, il se paye un trip, hein, parce que il sort avec la fille du boss, qui se donne un gros match à WrestleMania. Ils ont sorti Batista. Batista, c'est David Batista, ben en fait, c'est Batista qui est maintenant rendu bien plus souvent que qu'autrement acteur. Ils vont faire un genre de combat où la carrière de Triple H est en jeu. Kurt Angle, quand on disait que c'est passation des pouvoirs, ben c'est ça. Triple H, c'est probablement son dernier combat. Kurt Angle, qui est revenu, va avoir un dernier combat face à Baron Corbin. Encore là, il y a de la spéculation qui dit que ce combat-là va peut-être changer à dernière minute. Shane McMahon, le fils du boss, affronte The Miz, qui était son partenaire il n'y a pas si longtemps, okay, se sont ostinés. Ça, c'est le genre de combat où on pourrait voir une grosse manœuvre de Shane McMahon, où tous les coups sont permis partout. Donc ça peut aller partout dans l'aréna. Ce sera souligné, c'est rarement intéressant, mais je le mentionne quand même. Tu sais, au mois de janvier, ce qu'on appelle les Royal Rumble, ben, ouais, sachez qu'il y a comme un peu des Royal Rumble à WrestleMania, puis il y en a deux. Ils appellent ça la Bataille Royale en hommage à André le Géant. Puis cette année, ce qui est exceptionnel, c'est que non seulement il y en a une pour les hommes, puis il y en a une également pour les femmes. Fait que ça fait beaucoup de monde à messe, là, dans l'alignement. En tout et partout, c'est pas compliqué. Je regarde ça, grosso modo, je vois 15-16 combats. Tu sais, c'est une soirée de 6 heures de combat. Faut aimer ça, là. Faut que la madame soit accommodante. Ouais, effectivement. Donc, ça commence à 5 heures, c'est ça, pour finir avec quoi, 11 heures? Écoute, l'année passée, je me demande si ça n'a pas fini pas loin de minuit. Tu sais, moi, je suis un gros fan, là. Un gros, gros, gros, gros, gros, gros fan. Puis personnellement, je trouve que c'est beaucoup. C'est sûr que là, c'est la grand-messe, c'est le Super Bowl, là. Puis oui, il va y avoir peut-être 70 000, 80 000. Mais moi, à un moment donné, personnellement, là, tu sais, à un moment donné, ce que ton cerveau est capable de triper, là, c'est comme, tu sais, ce qu'on va avoir en... C'est comme si t'écoutais un film 4h30, c'est trippant, là, maintenant, tu n'as plein ton casque. Fait que moi, personnellement, j'aurais peut-être scrappé une coupe de combats, puis j'en aurais peut-être gardé à la limite 10, ce qui est déjà beaucoup, mais coudonc, ça a l'air qu'il va en avoir 16. Ben, mais nous autres, écoute, Danny, c'est pas compliqué, là. On se commande du buffet chinois, on s'emmène une bière, mais pas trop, puis on se fait un pool, on s'imprime la carte, puis même si c'est arrangé, la lutte, moi, le commun des mortels, ils connaissent pas les combats. Mm. Fait qu'on se fait un petit pool, on met un 2, on s'amuse, on est 8-10 gars ensemble, puis à la fin de la soirée, ben il y a quelqu'un qui repart avec la cagnotte, genre 8-10 piastres, mais c'est l'honneur, puis c'est super drôle. Ouais. Il y a deux choses que je veux te parler encore. Est-ce que c'est vrai que Daniel Cormier, qui est un des meilleurs combattants livre pour livre du UFC, ferait une apparition? Ben, écoute, c'est que, c'est un drôle de mot, j'allais dire, les relations entre le UFC puis la WWE sont quasiment incestueuses, c'est-à-dire que, des fois, on utilise la popularité de un pour mousser la qualité de l'autre. On a déjà vu des gens faire le switch de un à l'autre, CM Punk, Brock Lesnar, tout ça. Puis Brock Lesnar, tranquillement, pas vite, on sait pas trop qu'est-ce qui arrive avec, mais on sait qu'il va avoir un combat en fin de semaine, un combat correct, mais sans plus, contre Seth Rollins, on verra bien. Ceci dit, Daniel Cormier, il voudrait faire un vrai combat avec Brock Lesnar dans le MMA, mais est-ce que celui-ci pourrait venir faire un tour dans le ring pour le challenger? C'est pas impossible. Dans le monde de la lutte, honnêtement, on est capable de prévoir des choses, mais il y a toujours, toujours des surprises. Ces deux fédérations, sans dire qu'ils sont très, très, très, très, très, très amis, qui sont capables d'utiliser la popularité de un pour mousser la popularité de l'autre. Fait que je serais pas surpris. Par contre, Daniel Cormier n'a pas une face de lutteur, donc... Mm. Ben, ouais. Je sais pas comment on va tout ça. Est-ce que c'est WrestleMania, hein, qui a toujours une vedette qui arrive de nulle part, qu'on sait pas, puis qui vient? Ouais. En fait, c'est une culture qui a commencé avec le premier. Moi, je me souviens des projets avec Cyndi Lauper, avec Mr. T, puis ça. Cette année, ils ont l'air à faire un genre de trip où ils font venir deux gars de Saturday Night Live que je connais même pas dans le genre de Battle Royale. Il y a eu des années que c'était plus gros que d'autres. Il y a eu des années, c'était Rob Gronkowski qui était venu défendre un de ses amis. Ouais. C'était pour ça que je demandais ça. C'est parce que peut-être Gronk, à la retraite, on pourrait-tu... Il y avait eu des rumeurs à un moment donné qu'il pourrait son Ben, lui, c'est intéressant parce que il aime la lutte. Puis, il t'a une solide shape. Ça fait que, si, mettons, il s'ajoute un peu de muscle, un peu de largeur, puis il est pas trop commotionné. C'est pas impossible que Rob Gronkowski, parce qu'il prend sa retraite, mais au football, il a pris sa retraite de bonne heure. Oui, c'est des blessures, mais il y a beaucoup, beaucoup de footballeurs qui sont allés faire de la lutte après. Roman Reigns, Brock Lesnar, The Rock, c'est tous des gars, Lex Luger, c'est tous des gars qui ont joué au football, puis qu'à un moment donné, les blessures ont dit, ben, Bill Goldberg, tu sais, whatever, ils ont switché à la lutte. C'est pas impossible. Sérieusement, là, je crois plus à lui en lutte que Daniel Cormier en lutte, honnêtement. OK, OK. Flo Riley, parle-moi de elle. C'est une Québécoise qui, à la fin du mois, va tenter un essai. Comment ça marche, un essai dans le WWE, en passant? Ah, ben écoute, c'est pas compliqué. C'est un concours un peu comme, je dirais pas, un mélange de camp d'entraînement de la Ligue nationale puis de la voix. C'est niaiseux, mais je le fais comme ça parce que la WWE ont le centre d'entraînement, les Performance Center, la NXT, qui est le genre de ligue américaine, le club d'école, où ils vont mettre les lutteurs à leur main. Donc, c'est comme ça qu'ils vont ramasser les meilleurs espoirs d'un peu toutes les fédérations. Puis là, ils les amènent, puis avant de les mettre dans la grosse ligue, ben, ils les font performer. Puis même avant de les faire performer, ils les évaluent. Ça fait qu'il y a un gros, gros, gros gymnase à quelque part où il y a 7-8 rings. Puis là, ben, quand ils les évaluent pour un camp d'entraînement de 4-5 jours, ben là, ils vont faire du cardio, ils lui font faire du théâtre, ben, des promos, ils lui font faire des simulations, puis ils checkent si t'as du potentiel. Tu sais, c'est une manière de les évaluer, mais Flo Riley, moi, je la connais pas tant que ça. Je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je l'ai pas vu lutter en physique, pour de vrai. Ce que je peux dire, c'est qu'elle est entraînée du côté du Torture Chamber avec Drew Onyx, qui est une sommité en matière de lutte au Québec. Puis le gars a placé beaucoup d'espoir envers cette fille-là. Puis elle est jeune, elle est musclée, elle est belle, tu sais, elle est sexy, mais elle est pas faite en bâton d'allumettes. C'est pas une culturiste. Non, c'est ça, mais elle est un bon mix de beau côté féminin, mais capacité athlétique intéressante. Elle a ses réseaux sociaux, elle est jeune, elle se vend bien, elle a un baby face. Tu sais, honnêtement, là, ce sera de voir un peu si Mané le temps pourra lui donner cette chance-là, mais tant mieux, je veux dire, des Québécois et des Québécoises qui ont cette chance-là, c'est rare, sauf que encore là, d'avoir ce qu'on appelle un try-out, ça garantit absolument rien. Ouais. Il y a d'autres Québécois aussi qui sont rendus à NXT aussi, là, des Québécois francophones dont on va en entendre parler, donc la petite filière québécoise, tranquillement, pas vite, ça continue, il y a toujours 2-3 là qui cognent à la porte. Fred, un gros merci, on s'en parle peut-être un autre un show de lutte, dès que l'actualité de la lutte va l'exiger, une grosse... Ben oui, puis écoute, il y a de la belle lutte au Saguenay, là. JCW, il y a une autre fédération à Chicoutimi-Nord. Faut que tu viennes voir ça un moment donné, mon chum. Effectivement. Fred Gagné de Kick FM 95,7.